Elle t'a tout pris, elle est partie sans prévenir. Même ton poteau, tu peux te la mettre sans réfléchir. Check pas d'épaule, toi et moi y'a pas d'amis. Allume ta clope et écoute cette mélodie. Cette mélodie, cette mélodie. Allume ta clope et écoute cette mélodie. Cette mélodie, écoute cette mélodie. Allume ta clope et écoute cette mélodie. Graine de café au poignet, j'rappais les cours pour du blé. Cheveux grainés mal brossés, j'suis ce négro affamé. L'instru j'l'ai dégoûté, j'pense qu'elle est affligée. Le rap français veut pas de moi, ils disent que j'suis émigré. La monnaie à récolter, t'as des couilles à digérer. Pas qui trempe dedans le sachet, âme soviétique bien flanquée. Et l'adresse tu la connais, que des sangs j'ai à dealer. Miroir, miroir, miroir, dis-moi qui veut me buter. Miroir, dis-moi qui veut me buter. Femme de ce plat, faudrait l'idée. Jamais j'entraîne mentalité, mais mon sourire il en dit long. Bloc en vie sur Paname, faut passer carré là. Et les sons qui n'empruntent, et les gros caméras. Azul les pépé les, t'inquiète pas ça ira. Et toi tu tournes en rond, tu sais pas où tu vas. Et t'es foncé sur la mélodie, tu plains. Pas de défense, nous on est toujours d'attaque. Non pas de défense, toujours d'attaque. Qui fait le tour là, y'a la bague. À vous parler, rien ne m'attend. Pour faire les sous, se lever le matin. Fais pas le malin. Confirme, t'as fait mieux une cata, ça s'arrête pas, non, ça jamais. Quand le grand gris, tout petit prend le patin. Même fauché, j'ai le sens du partage. Touche un poteau, je fais un carnage. Elle me déma comme si j'avais pété le million ou un palace. J'avance, j'avance, je suis sûr de moi, serein. Depuis qu'on est minot, le million de vues ramène les mistos. Le million de vues ramène les mistos, boy. Elle t'a tout pris, elle est partie sans prévenir. Même ton poteau, peut te la mettre sans réfléchir. Check pas d'épaule, toi et moi, y'a pas d'amis. Allume ta clope et écoute cette mélodie. Cette mélodie, cette mélodie. Allume ta clope et écoute cette mélodie. Cette mélodie, écoute cette mélodie. Allume ta clope et écoute cette mélodie.